Question 35. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. À toutes les intersections, je passerai. Sans céder le passage, réponse C. En cédant le passage, réponse D.